Unité 12 de C. 1. L'été dernier, j'ai fait un cours de français cuisine à Lyon. J'ai appris à faire des plats typiquement français comme la ratatouille et le bœuf bourguignon. Je me suis beaucoup amusée et j'ai parlé beaucoup le français. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de vocabulaire de cuisine. 2. Moi, il y a 2 ans, j'ai fait un cours de français et yoga à Saint-Denis, près de Paris. J'aime beaucoup le yoga, cela me relaxe et je suis contente de l'expérience. Mais je pense que je n'ai pas beaucoup amélioré mon français. 3. Moi, j'ai fait un cours de français et de théâtre à Avignon, en juillet dernier. J'ai progressé énormément en français. Ma prononciation, surtout, s'est améliorée vraiment beaucoup.